wote kumutani chikatwa ni amisa. Na utare uleza hii na hai zai lahi. Zai zai zai zai zai yetu chika uliranu zai die rea rea ni maskuru. Haya leza hii esoky fa naviko anao e mahita raha filahagny fa izy kôfa mahita ovaky ny kakakaka satrokajo eno valivaly anao izy koa hivolagn'olo fa tsy ampamosavy za raiky mitary mivorondolo anao malegny namagny ombala mborike atsiny ane mety ho amare olagninao za ola tsy nahazo sipa satria madamo nakaio ataonao makotipa ambaraza olo tsary nihinagna vasempa amasikine na iro papa io manafo izy koa tsara composition karaha varikasy fo Oh, fanesi ilanwanga hambinu mbinu lati mana nanda tunizuma. nouveauté sur ta radio. Nouveauté sur ta radio. Ta radio. Nouveauté, nouveauté, nouveauté, nouveauté. Oh, la roda sera fa hilalantsika. Ha! fava ki tarany ti musari na kwa marari fameni meni yari Grand Showcase avec Stangros les vendredis du avril 2021 à partir de 21h à l'aube à l'espace Vous la Fille de Savoie, la Fille de Riveste. Stangros, un showcase. Paf!